ressemble. Soit tu nages dans un océan de bonheur, soit ils font des gosses qui pleurent, qui gênent vraiment des petites teignes. Des petites teignes. Alors ces gens qui font des enfants, je me pose la question, s'aiment-ils vraiment? Oh, font-ils ça que pour le sexe, les cheveux mouillés sur l'oreiller tout doré? Oui, je me pose cette question qui est à bout, chère, mais bien réelle. Ont-ils ressenti un coup de foudre, un vrai qui déchire, mais à la tête tout engluée de parfumerie, de bijoutier quand ils se sont rencontrés? Ça, c'est les gens que je vois tous les jours qui se massent mutuellement. Mutuellement. Alors qu'on n'en a rien à foutre, qu'on est triste et énervé, car en tout cas, moi, c'est mon cas, j'ai pas encore réussi à dire. À te dire, toi qui fut un foudroyé. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi qui fut un foudroyé. Je t'aime.